Voilà, alors en fait, vous voyez, j'ai choisi quelques espèces et on a soit un effet négatif par rapport à la Guyane en tout cas, soit pas d'effet. On n'a pas d'effet positif. Par exemple, en Angleterre, on voit l'arrivée de nouvelles espèces. Hein. Par exemple, l'anchois du golfe de Gascogne, qui historiquement et traditionnellement faisait l'objet d'une pêcherie, n'était pas exploité en mer du Nord puisqu'il n'y en avait pas ou très peu. Et puis, les dernières années, eh bien, l'anchois a commencé à se reproduire en mer du Nord et donc est exploité en mer du Nord, ce qui n'était pas le cas avant. Et la pêche a été arrêtée dans le golfe de Gascogne. Donc c'est une migration des espèces vers le nord, finalement, pour retrouver les caractéristiques de l'habitat dont elles ont besoin, notamment en termes de température. Donc les territoires du nord bénéficient finalement de la remontée de certaines espèces. Alors en Guyane, on se situe dans les eaux les plus chaudes à l'échelle du globe. Donc évidemment, on peut avoir une fuite vers le nord des espèces, mais qui va venir coloniser des territoires encore plus chauds? Sachant qu'il n'y a aucune espèce qui, au cours des derniers siècles ou millénaires, n'a pu s'adapter à des températures plus élevées. Donc, en théorie, c'est soit des espèces qui peuvent tolérer une augmentation parce qu'elles sont typiquement tropicales, ou des espèces qui ne vont pas le supporter et qui vont partir. Plus haut le micro. Voilà, alors après les eaux les plus chaudes, les régions les plus froides, sans transition. Donc non, non, non, c'est pas qu'il y a un refroidissement, je contredirais tout ce qu'on vient de dire. Voilà, la question est pourquoi le niveau de la mer monte? Hein, on a parlé de réchauffement de l'air, de la mer, des conséquences pour la répartition des espèces, mais une autre des conséquences du changement climatique, qui se traduit par les températures, se traduit aussi sur le niveau de la mer. Alors, ça se traduit aussi sur le changement de régime des houles, le changement de régime des vents. On ne va pas s'y intéresser aujourd'hui, mais la mer monte. Alors pourquoi est-ce que le réchauffement induit une montée des niveaux des océans? Eh bien, parce que l'océan, lorsqu'il se réchauffe, eh bien, il occupe un volume plus important. C'est l'idée de l'expansion thermique de l'océan. Le contenu thermique de l'océan, je l'ai montré au début, est plus important. Et donc, c'est comme si l'océan se dilatait finalement et occupait plus de volume. Donc, c'est une première explication de la montée du niveau de la mer. Et puis, deuxième facteur, c'est la fonte des glaciers continentaux. Donc, on a des plus grands volumes d'eau douce qui arrivent dans la mer et qui font finalement augmenter le volume d'eau en mer. Voilà, donc forcément, le niveau de la mer monte. Donc, on va avoir des conséquences au niveau des traits de côte, hein, du littoral, sur l'aménagement et pour les espèces aussi, probablement. Ces questions-là n'ont pas été encore analysées, du moins par l'IFREMER, mais c'est disons une analyse qui va être de plus en plus importante parce que on a des prévisions qui ne sont pas neutres sur le montée de niveau des océans. Donc vous avez ici des observations qui sont déjà réalisées. Je veux dire, c'est pas seulement des projections, ce sont des faits déjà réels. Alors vous voyez que ce n'est pas homogène, hein, donc là c'est quantifié en millimètres par an, donc entre 1993 et 2005. Donc les tendances sont positives quasiment partout, mais ce n'est pas à la même échelle partout. Voilà. Donc en termes de projection, quand même, vous avez différents scénarios, et je crois, mais ça Thomas pourra y répondre aussi, les prévisions les plus réalistes actuellement font état d'une montée de niveau de la mer comprise entre 1 et 2 mètres en moyenne à l'échelle mondiale pour les 100 prochaines années. Voilà. Permettez-moi une toute petite intervention, Monsieur Blanchard. Pour certains, vous avez eu dans un mail d'invitation le site de la Canopée des sciences. Et vous y trouvez une carte Google sur laquelle vous pouvez vous promener en Guyane et ajuster le niveau d'élévation de l'océan, voyant si votre maison sera sous l'eau et pour quelle hauteur d'élévation des océans. C'est un petit jeu de simulation alarmiste, car vous pouvez programmer 60 mètres d'élévation et submerger toute la Guyane, qui est un pays très plat. Je vous conseille d'aller habiter sur la montagne du Grand Matoury. Maintenant, soyons clairs, le petit simulateur qui est sur le site de la Canopée des sciences, on le doit à une personne, et je voulais faire un merci maintenant, excusez-moi, c'est lui. Cette personne-là travaille au rectorat, il brille, et il m'a permis de réaliser le site web de la Canopée des sciences dans les 3 dernières semaines. Donc j'espère vous donnerez des retours. Voilà. Merci à Monsieur Grégory Pascal. Ceci étant dit, excuse-moi de t'avoir interrompu. Donc 2 mètres d'élévation, à vous d'ajuster sur le simulateur. Voilà, donc ça pour dire que c'est un fait aussi avéré. Mais on n'a pas encore vraiment de mesures précises sur la Guyane ou de projections à montrer, ni d'analyse vraiment des conséquences de l'élévation de ce niveau marin.